Le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple a indiqué le 22 que Park Geun-hye a rejeté en réalité elle-même la dernière occasion de présenter les excuses au peuple avant de réclamer sa détention pour son effronterie. Par ailleurs, la Solidarité des citadins pour une société démocratique a publié le 21 un commentaire pour affirmer de régler tous les crimes de Park Geun-hye et de l'arrêter immédiatement.